Je voulais m'en sortir, mais les chétans me tirent la bille. J'en ai marre de choper, de cacher la drogue sur le pupitre. Plus rien à perdre comme Esrine, violent comme Esquire. Et la merde en finira tous en tôle mesquine. J'tape dur pour mon gosse, caresse-moi la queue pendant que j'pose. J'suis curieux de cette vie à force. C'est vrai que tout est difficile, crois-moi tout n'est pas si facile. Moi j'veux une putain de vie docile, man. Belzébuth veut pas qu'il réussisse. Ces petites putes te prend pour son fils. Son but que tu tombes dans son vice. J'crie à l'aide dans un monde de sourds. Mon sort split comme un aveugle, t'attends son putain de tour, man. Moi aussi j'ai le droit d'avoir cette villa. Toi aussi t'as le droit d'avoir cette putain de villa. Partir loin du ghetto et construire, rouler en Ferrari et porter des manteaux en cuir. Je voulais m'en sortir, mais la vie m'a mis de côté. Dans ce putain de pays, t'as connu pour y causer. Je voulais m'en sortir, tous les jours je bats la frais. J'irai jusqu'au bout, mais j'en ai marre de batailler. Je voulais m'en sortir, 3 ans pour pas être rigueur. Beaucoup de frères dans la merde, continue de trimer. Je voulais m'en sortir. Ok, j'voulais m'en sortir, mais comment faire, m'en sortir. Autant des colonies, l'Europe a fait son fric en Afrique. Stopper les dettes, stopper les forages, stop la polémique. 1,5 milliard de gens sur la planète sont privés d'eau potable. Ça devient problématique, envoie un SMS sur ton portable. L'obésité côtoie la malnutrition. Ça crée des tensions, on a dû perdre le sens de partage dans la pression. Des lésions dans le cerveau, je le pression. Écoute attentivement la chronique et te poussera la réflexion. Une vague de sécheresse aride les terres de l'hémisphère nord. Une traînée déjà montée dans le ciel qu'on pourrait aller. Et l'aurore, les gens polluent des rivières pour de l'or. Frérot, ce sont les signes, j'analyse tout quand je suis dehors. La montée en puissance de racisme, de communautarisme. J'ai vu l'intégriste rouler une peine, un anarchiste dans Paris. Je suis outré, poison dealer. Naughty naughty, c'est les serial killers. Je voulais m'en sortir, mais la vie m'a mis de côté. Dans ce putain de pays, la conne est pour y causer. Je voulais m'en sortir, tous les jours je bats la frais. J'irai jusqu'au bout, mais j'en ai marre de batailler. Je voulais m'en sortir, poison pour pas être rigueur. Beaucoup de frères dans la merde, continue de trimer. Je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir, je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir, mais la vie m'a mis de côté. Dans ce putain de pays, la conne est pour y causer. Je voulais m'en sortir, tous les jours je bats la frais. J'irai jusqu'au bout, mais j'en ai marre de batailler. Je voulais m'en sortir, 3 ans pour pas être rigueur. Beaucoup de frères dans la merde, continue de trimer. Je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir, je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir. Eh ouais mec, tant, on veut tous s'en sortir, mais eux ils nous mettent des claques dans l'œil. Bande de bâtards.